Lettre 107e, Agathoclès à Phocion, Nicomédie, mai 305. Les murs d'une prison m'entourent. Une faible lumière perce à travers une grille. Elle m'éclaire à peine pour tracer peut-être la dernière lettre que j'écrirai à mon meilleur, à mon plus ancien ami. J'écris hier à ma femme. Elle et mon enfant, bientôt mes enfants, sont les seuls objets que je quitte avec douleur, avec déchirement. Dieu, qui créa mon cœur pour lui faire goûter le bonheur inappréciable de l'amour, qui me permit de le sentir dans toute son étendue et qui m'appelle à y renoncer, connaît seul la grandeur de mon sacrifice et ce que j'éprouve. J'en agis d'après la conviction de mes devoirs. Ni le remords ni le doute ne tourmentent point mon âme. Il n'y avait ni à choisir ni à hésiter. Chaque voie, même celle de l'amour, devait se taire. Il n'existait que cette seule alternative, lui ou moi. Si Constantin mourait, il ne restait plus d'espoir pour sauver le genre humain. Le germe du bien général périssait avec lui. Galerius gouvernait le monde entier, et si le christianisme ne succombait pas entièrement, son influence divine était au moins retardée de plusieurs siècles. Et que perd le monde par ma mort? Rien, absolument rien. Il est vrai que le cœur de ma théophanie sera déchiré. Mais il s'anéantira peut-être avec le mien, et nous nous retrouverons dans les demeures célestes. Que sont deux cœurs, deux mourants? Un couple heureux s'envolant ensemble vers l'éternité en comparaison du monde sauvé. Je quittai ma femme sans lui dire mon projet. Je ne le savais pas encore bien clairement moi-même. Mais je sentais que je devais faire quelques démarches pour sauver mon ami, et que tout dépendait d'une prompte exécution. Je commençai donc par faire tous les arrangements pour la fuite de Constantin. L'or m'ouvrit ensuite la porte de sa prison. Je sentis alors le prix de ses richesses que j'avais une fois dédaignées. Je trouvai mon ami anéanti par intervalle, et cependant ayant dans d'autres moments un courage héroïque et décidé à tout risquer pour recouvrer sa liberté. Je lui fis sentir que le nombre de ses gardes rendait la force inutile, que le seul moyen était de les tromper, et je lui dis le plan que j'avais conçu de prendre sa place. Il recula d'effroi, et il fallut bien du temps pour le persuader qu'un devoir plus saint, plus impérieux que son amitié pour moi, exigeait qu'il en triomphât. Je lui rappelai la grandeur de nos vues, et combien de fois nous avions juré de sacrifier notre vie pour en assurer la réussite. Lui devait, au contraire, dans cette circonstance, sacrifier sa mort et consentir à la mienne. Ses combats, son désespoir, ne peuvent être exprimés. Enfin, il prit mon manteau, s'enveloppa dedans, me serra sur son cœur avec un mouvement passionné et disparut. Les portes se fermèrent avec fracas, et je me sentis comme si l'on m'eût enterré vivant. Tout était perdu pour moi, il ne me restait pas l'ombre d'espérance. L'image de Théophanie vint frapper mes sens, je la voyais m'attendre en vain, je sentais tous les déchirements de mon âme, et je ne rougis pas de t'avouer que je fus bien près de me repentir de mon dévouement, et que l'état où j'étais tenait de la fureur et du délire. Je ne sais combien il dura, ni ce qui m'arriva. Peu à peu mes idées se confondirent, puis se perdirent complètement. Fût-ce un sommeil, un évanouissement, je l'ignore, mais ce fut sûrement un effet de la bonté divine qui suspendit ainsi le sentiment de mon malheur et versa dans mon âme désorganisée quelques gouttes de la paix du ciel. Un rayon céleste vint dissiper l'obscurité qui m'entourait. Ah, vraiment céleste! Ni la sagesse humaine, ni la persuasion n'auraient pu produire un tel effet. Comme par miracle, le calme et les plus belles espérances inondèrent mon cœur. Depuis cette espèce de réveil, je suis tout à fait tranquille. Je sais ce qui m'attend ici-bas, mais je me sens le courage nécessaire pour le supporter, et je sais aussi ce qui m'attend au-delà du trépas qu'on me destine, une éternité de bonheur que les tyrans de la terre ne pourront plus m'ôter. Ce n'est pas cependant pour en jouir plus tôt, pour obtenir la couronne du martyr et effacer par là les péchés d'une coupable vie que je renonce à la mienne, mais je meurs pour la foi, que je regarde comme le premier bien de l'homme, et parce que je suis convaincu que le bonheur de l'humanité demande qu'elle soit répandue sur toute la terre, et que ma raison me dit que Constantin est le seul qui réunisse toutes les qualités d'accord avec les circonstances pour exécuter avec gloire ce projet le plus grand qu'on ait jamais formé. Tu vois donc que je dois bannir de mon esprit que je me suis sacrifié, ou par une vaine gloire, ou par une amitié trop exaltée, et que j'ai violé les devoirs de père et d'époux. Non, J'aime, il est vrai, Constantin, avec toute la vivacité que la reconnaissance, des sentiments réciproques, l'unisson de nos principes et la conviction de son mérite peuvent exciter. Mais quelle différence entre ces sentiments et celui que je ressens pour ces êtres angéliques qui sont si intimement liés à mon existence. Ô Théophanie, sensible, bonne, éternellement chérie, toi qui n'as vécu que pour m'aimer, me séparer de toi est bien plus difficile que de mourir. Te perdre, c'est déjà la mort la plus cruelle. Cependant, il le faut. Ma conscience me l'ordonne, et toi-même, tu m'approuveras, quoique ton cœur soit déchiré. J'écris à Tiridate pour le prier d'avoir soin de Théophanie. Dieu, dans quel moment? Lorsqu'un second enfant, orphelin peut-être avant d'avoir vu le jour, allait resserrer encore nos liens. Combien je désirais une image de sa mère. Si le ciel l'eût accordée à mes vœux, elle aurait porté le nom chéri de Larissa. Vœux insensés des aveugles mortels, ce qui plaît à Dieu est le seul qu'on devrait former. Tiridate servira de père à ceux que je quitte, jusqu'à ce que les circonstances aient pris une tournure plus favorable, et que Constantin puisse accomplir la promesse qu'il m'a faite en présence de l'Éternel, dans le moment auguste où il accepta mon douloureux sacrifice. J'espère que Galerius se contentera de ma mort, et n'entraînera pas mon infortunée famille dans ma perte. Mais s'il le veut, si Dieu l'ordonne, eh bien que sa volonté soit faite. Réunie dans son sein, la mort n'aura plus rien d'effrayant pour moi. Phocion, mon cœur est encore accablé d'une grande faiblesse, et je suis hors d'état de la surmonter. Sont-elles donc toutes défendues à un mourant? Souvent, je me surprends à former le désir que ma femme et les gages de notre amour me suivent au tombeau. Ô Théophanie, je sais que ton cœur est de moitié dans ce désir, et que sans Agathoclès, tu seras toujours malheureuse. N'oserais-je donc te souhaiter le bienfait de mourir avec moi? Mais c'est un vil égoïsme qui me suggère cette idée, et je dois la repousser. Non, ma Théophanie, supporte la vie pour soigner nos enfants, pour les former à l'exemple de tes vertus. Je viens de lui écrire. Tu juges bien que je lui parle un langage bien contraire à ce souhait, que mon cœur repousse en même temps qu'il le forme. Ce n'est qu'à toi seul que j'en fais l'aveu. Ma confiance entière en toi sera la même jusqu'à ce que le dernier coup soit porté. Si cela m'est possible, je t'écrirai encore une fois avant ce dernier moment. Tiridate a obtenu de me visiter, et par ce moyen, je puis encore m'entretenir avec tous ceux que j'aime. Adieu, peut-être pour toujours, d'un moment à l'autre, l'arrêt peut être prononcé. Adieu, adieu, fidèle ami d'Agathoclès.